Quatrième partie, chapitre 4, cinquième section, le précepte de la communion. Quand y a-t-il obligation de communier? Il y a obligation de communier tous les ans, à Pâques, chacun dans sa paroisse, et de plus, quand on est en danger de mort. À quel âge commence à obliger le commandement de la communion pascale? Le commandement de la communion pascale commence à obliger à l'âge où l'enfant est capable de s'en approcher avec les dispositions requises. Ceux qui ont l'âge d'être admis à la communion et qui ne communient pas, pêchent-ils? Ceux qui, ayant l'âge d'être admis à la communion, ne communient pas, ou parce qu'ils ne veulent pas, ou parce que par leur faute ils ne sont pas instruits, pêchent certainement. Leurs parents ou ceux qui les remplacent pêchent de leur côté si le retard de la communion arrive par leur faute, et ils devront en rendre grand compte à Dieu. Est-il bon et utile de communier souvent? Il est très bon de communier souvent, et même chaque jour selon le désir de l'Église, pourvu qu'on le fasse avec les dispositions requises. Avec quelle fréquence peut-on s'approcher de la Sainte Table? On peut s'approcher de la Sainte Table aussi souvent que le conseil en est donné par un pieux et docte confesseur.